passe-moi, passe-moi le volant. Toi tu roules beaucoup trop lent. Maman, maman, maman, maman, moi je vais faire peur aux piétons, les filles comme les garçons, je m'en vais faire chier. Volant pis une calotte, mon Dieu comme j'ai l'air crotte. Je me sens comme si j'avais des couilles, même si le monde me trouvait nouille. Un volant pis une calotte, mon Dieu comme j'ai l'air crotte. Je me sens comme si j'avais des couilles, même si tout le monde me trouve nouille. Laisse-moi conduire. Toi tu roules slow comme un curé. Je m'en vais arroser les passants, les papas comme les mamans. Je m'en vais couler comme une fusée, je m'en vais tout les faire chier. Ouais. Un volant pis une calotte, mon Dieu comme j'ai l'air crotte. Je me sens comme si j'avais des couilles, même si tout le monde me trouve nouille. Un volant pis une calotte, mon Dieu comme j'ai l'air crotte. Je me sens comme si j'avais des couilles, même si tout le monde me trouve nouille.